TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Pourquoi ne pas prendre un bonjour d'avance? Saint-Étienne, la capitale de tous les excès de la planète, bien sûr, et pour elle simplement Glenn Miller, Run the Moon. Thank you. reprise à partir de 16h, disco, dance et rock'n'roll. Mais à partir de 16h, pour fêter la nouvelle année, Pink Martini va nous chanter One Light, Lily spécialement bien sûr, pour Lily. Because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Take me.

souhaite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une bonne année 2011 avec beaucoup de bonheur, de l'argent et plein, bien sûr, d'amour. Car nous sommes tous à la recherche de l'amour éternel, mais existe-t-il? Mais je vous le dis que oui. Oh, happy day! Jesus was, oh, when it was. petit cardon, mesdames et mesdemoiselles, disco et rock and roll. Oui, I want to be happy. Saint-Étienne, le Captain Combo va nous chanter Allons à Lafayette. C'est parti pour la Nouvelle-Orléans. Allons à Lafayette, mais pour changer de nom. On va t'appeler madame, madame Canaille-Coumont. Petit être mignon, pour faire ta criminelle. Comment tu crois mes mots, je peux faire moi tout seul. Allons à Lafayette, même pour changer ton nom. On va t'appeler madame, madame Canaille-Coumont. Petit être mignon, pour faire ta criminelle. Allons à Lafayette, je peux faire moi tout seul. Et toi ma jolie queue, me regarde quoi t'as fait. J'ai loin comme je suis dedans, mais ça, ça me fait du mal. Ma oui, ma ça revoir, j'ai loin de toi, mignon. T'apprends que belle que jolie, j'ai chial de plomb. Allons à la Fayette, même pour changer de nom. On va t'appeler madame, madame que n'aille comme on. Petite à trop mignon, pour faire ta criminelle. Allons à la Fayette, je te fais mourir tout seul. De la Louisiane avec Bruce Baker Brown. Maintenant, pour tous les enfants qui nous écoutent de France et de Navarre, savez-vous planter les choux ?

terminer cette petite heure de destination complètement folle autour du monde de la musique avec une chanson italienne d'Eduardo Vianello qui va nous chanter I What You See. Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi e dalli galli, amigalli, amiga. Siamo i Vanusi, siamo i Vanusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, io ogni tre passi. Facciamo sei metri, noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole negli anni notissimi. Siamo i Vanusi, siamo i Vanusi, gli altissimi negri, è l'occhio basso, è l'occhio basso, è alto due metri, qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i Vanusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Vanusi, siamo i Vanusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni cabana del nostro villaggio fa perlomeno tre metri di raggio, siamo i Vanusi. Nel continente nero, si bonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, si bonzi bonzi bo, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi dagli galli, ai galli, ai del sole che siamo i Vanusi. Nel continente nero, si bonzi bonzi bon, alle falde del Kilimangiaro, si bonzi bonzi bon, e ci sta paura di negri che ha inventato tanti balli più famosi e tanti galli, dei galli, dei bonne année 2011. Musique magique aujourd'hui spécialement disco, rock and roll et bien sûr slow un quart d'heure toutes les heures. Nous allons commencer car Cool and the Gang qui va nous chanter Celebration. Celebration. Skyrock, Facebook, Maxi Chat, Badou, Google Tag, Vidéo avec la race, Erwin K 42100, vous pouvez me trouver facilement. Et bien sûr, sur Winamp Android 5.6, vous pouvez vous connecter sur toute la planète en écoutant RMK 42. Les News Montir Show vont nous chanter You have called control. Control. Maxed out my credit cards, well, I'm on a roll. I never sleep, I'm always awake. Any drug on the market, give me, I'll take. Help me up, don't know where I'm going, or where I'll be. I'm out of control, can't you see? Tell you, man, I'm flipping my lid. Don't know where I'm going or where I'll be. I'm tired of living my life, living in a daze. I lay in bed at night and all I do is cry. If I don't catch myself, I know I'm gonna die. I tried so many ways and they were all in vain. I'm tired of living my life, living it in pain. Rock'n'roll, disco et bien sûr slow. On continue avec Louise Prima qui va nous chanter Just a Gigolo. I'm just a gigolo, and everywhere I go, deep below the fight I'm playing. Paid for every dance, selling his romance, oh, what you see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about it when the end comes? I go, it's just a gigolo. Life goes on without me, and just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what this is. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know it's just a gigolo. Life goes on till the body goes by. Ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, cause I ain't so bad then. Hey, you sing her! Read love song! Oh, love the times! She will all be! All be! Baldi, bozi, bat, li, bat. I ain't got no body. Oh, and there's no body. For me, this don't matter. Just for me, don't matter. Let's go! Jukebox. Vous êtes en direct et en stéréo sur RMK 42 Saint-Etienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Bien sûr, en simultané sur Skyrock, Facebook, MaxiChart, Badou, Google Tag Video, Winup, Android, et bien sûr, toujours en direct, nous allons faire aujourd'hui des folies musicales. Imagination, Just an Illusion. Never sure of exactly. Simultané sur OMK 42 Saint-Étienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et nous allons vibrer cet après-midi en simultané sur Skyrock, Facebook, MaxiChat, Badou, Google Tag, Special OMK 42 1900. C'est facile à trouver sur Google. Et bien sûr, le petit Android Winamp, où vous pouvez vous connecter avec votre téléphone portable partout sur la planète Terre. Bientôt, bientôt, sur la Lune et Mars. Je ne vous dis que ça. Bientôt, bientôt. Mais pour l'instant, nous allons écouter Schmiller Lewis, qui va nous chanter « J'aime, j'aime, j'aime ». Mrs. Tina Charles va nous chanter I Love to Love. Bonjour, je suis Didier Travolta et I want to dance, I want to dance, I want to dance, I want to dance. I want to dance. Thank you. Aujourd'hui, premier dimanche 2011, bonne année à tous, bonne année, bonne santé et beaucoup, beaucoup d'amour. Fun, fun, fun, méga hit mixte. Down, down, down. Thank you. Dans un peu moins de 3 minutes, bien sûr, les slow temps attendus. Mais pour l'instant, Johnny Favorite Swing nous chante Hard Word. Sometimes I cry when I'm lonely. Sometimes I cry when I'm blue. Right now I'm crying 'cause I love you. I'm crying 'cause you don't love me too. Come on and tell me if you love me. Won't you please answer yes or no? Tell me if I'm your one and only, so I can either stay or go. Tell me, my darling, if you love me. Tell me if you feel the same. Tell me, my darling, if you love me, or if all the tears I shed were shed in vain. Mm-hmm. Je suis DJ. Oh, bouleversant. La grande Brigitte Bardot va nous chanter Rose d'eau. J'ai laissé dans les roseaux une rose d'eau. Jamais les rochers de grès n'auront mes regrets. Baladin, offrez-nous les mots qui nous dénouent. Le vent du nord qui revient va les emporter. N'ai jamais vu tant de larmes dans les étoiles. De forêts plus en alarme depuis longtemps. Les amours d'hier volés, chagrin d'aujourd'hui. J'ai beau chanter, revenez, la chanson s'enfuit. J'ai le mal d'avoir perdu ce qui m'était dû. Rien ne pourra remplacer le moindre baiser. Allez dire par les jardins, je ne viendrai point. À la fontaine qui emporte les amours mortes, The Sea, chanté par Johnny Way Joe. Over the mountain, across the sea, there's a girl waiting for me. Across all the river, beyond every cloud, she's passed away. Mountain, the girl waits for me.

naturally crazy. Spécialement pour l'ouverture de 2011, année glorieuse pour OMK 42 de Saint-Étienne, où vous pouvez vous connecter partout sur la planète. Les Poupinil Sisters vont nous chanter Walk Like an Egyptian. Old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, ooh, they're falling down like a domino. All the buzz are men by them now, they got the money on a bet. Gold crocodile, they snap their teeth on your cigarette. Falling tight to the hookah park, say, up the street, bend your back, shift your arm, then you bend it back. Life is hard, you know, so strike a pose on a Cadillac. If you want to find all the cops that hang it out in the donut shop, they sing and dance, they swing their batons down the block. All the cops in the donut shop say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Walk like an Egyptian. Vous êtes en duet sur RMK 42 de Saint-Étienne, Disco Dance, aujourd'hui spécialement. Et rock'n'roll, Betty Melinda va nous faire danser le disco. va nous chanter Spawnfell. For that spoonful. that spoonful. Yeah, yeah. Not a fork, but a spoon, baby, is good enough for me. Women lie for that spoonful. Yeah, women lie for that spoonful. You know they sigh for that spoonful. Chantez Buonasera, signorina. Et ensuite, la grande, la magnifique Madonna. Buonasera, signorina, buonasera. It is kind of the good night in Napoli. Oh, it's time for us to smile, buonasera. Will I the money by the man of the rain and sea? In the morning, signorina, we'll go walking in the mountains and the stars coming to stay. And by the little Julie shepherd's tapolinga, while I buy a little ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, till the good night. Buonasera, signorina, till the good night. Babaluma, balam, bam, boom. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to stay here tonight, to Napoli. Oh, it's time for us to start. Buonasera, without the money, by the man of the arena. Morning, signorina, we'll go walking through the mountains and the night coming to sleep. And by the little Julie shepherd's tapolinga, while I buy a little for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. In the morning, signorina, we'll go walking in the mountains and the night coming to stay. And my little Julie shepherd stop pulling up while I buy a ring for your finger. Buonasera, signorina, good night. buonasera signorina, signorina. Ma per ma blam bam boom. Mrs. Madonna Holiday. Baby, just can't take your eyes off. don't blame it on moonlight. Don't blame it on good times. Blame it on a boogie. Don't you blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on good times. I just can't control my feet. I just can't control my feet. Sunshine, don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame it on the boogie. Sur RMK 42 de Saint-Etienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Les Swing Price, Laurel Fry, your main role. Yeah. là-dessus, hein, RMK 42 Saint-Étienne, la seule et unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, rock'n'roll et disco, bien sûr, et slow, un quart d'heure, toutes les heures. Mais pour l'instant, chérie Poppin Dordy nous chante Ding Dong Daddy. When he saw a nice caboose, say ding, ding. I said dong, dong. Oh, that ding dong daddy hit his 16 women en direct sur RMK 42 de Saint-Etienne, disco et rock'n'roll aujourd'hui. Rock'n'roll et disco, bien sûr, quelques slow. Nous allons écouter Barbara nous chanter et nous faire danser. Ciao, boy! Chop, chop, chop, chop, chop. You can dance, dance to me. Des petites minutes, bien sûr, mesdames et mesdemoiselles, les slow, mais pour l'instant, on continue le disco avec Baby Gang, qui nous chante et nous fait danser Happy Song. Thank you. Commençons par Betty Boom qui nous chante You Light Up My Eye. So many nights I'd sit by my window waiting for someone to sing. Alone in the dark, but now you've come along, and you light

flashback. Rocco John. Well, they come from near and they come from far to hear the sound from a 50s car. Top rolls back, white crawls right. Yeah, baby, gonna jump tonight. Have five goes joy. Thank you. heart is haunted, of this I'm sure. We jump in close to velvet floor, a screaming sex and fancy shoes. Come on, baby, let's jump the blues. Have Rocko's joint, any way you want. Have Rocko's joint, his spirit haunts. Have Rocko's joint, and we want it to be a fair for you and a fair for me. Simultané sur RMK 42 Saint-Étienne, sur Skyrock, Facebook, Maxi Chat en vidéo, Badou, Google Tag en vidéo, ainsi que Winamp Android sur vos téléphones depuis quelques jours. Donc vous pouvez vous connecter sur toute la planète. Et bien sûr, danser sur le rythme de RMK 42. Saint-Étienne, on continue avec Viens danser à Saint-Germain, Danny Bruyant. Tous les samedis, après minuit, on se retrouve à l'île Saint-Louis. Transi de joie et de folie, pour y parler philosophie. Et c'est là que ma jeunesse explose, que les instruments se mettent à hurler. Dans la chaleur et la fumée, jaillit le moment où l'on ose. Et si t'as pas d'imagination, mieux vaut que tu restes à la maison. Et si c'est un endroit sacré, l'homomètre c'est d'improviser. Viens, viens, viens à Saint-Germain, dans vos lavandes. Viens, viens à Saint-Germain. Ouais, suivons l'ardeur des hommes sans fin. C'est l'ivresse que nous avons faim. À part les chanter, puis s'aimer. On l'avait un peu oublié. On est fou car on a 20 ans. Et on se fout éperdument de ce qui advient dans 10 ans. Vive la vie, oh, vive l'instant. Les jupes sont déboutonnées. Et les filles ne pensent qu'à être aimées. Les garçons ont les cheveux longs. Leur pantalon, allez bien, bien, bien à Saint-Germain, dans bon dans bon dans. Allez bien, bien, bien à Saint-Germain. Saint-Germain, les prévois, et bien, bien, bien, à Saint-Germain, non, bon, non, bon, bien, bien, bien, à Saint-Germain. Gelato va nous chanter Give it up, give it up. I've given up, given up. I'm going back to living it up. Tried so hard to mend my bad old ways. Give it up, give it up today. Now I know, no, that ain't right. I'm so glad I've seen the light. I'm giving up, giving up today. Giving up today. Wake every morning with a brand new chick. He's dead. Drink and smoke till I get sick. He's sick. Oh, that's very strange. I ain't gonna change. 'cause I've given up. He's giving up. I'm getting back. He's living it up. Oh, let's hear everybody say, let's hear them say that we're giving up, giving up today. Exceptionnellement aujourd'hui, rock and roll et disco. C'est parti pour les Mega Mix spécial 70. Sex a thing, I believe in miracles. can't open up everywhere. This is your night, baby. You got to get it. Yeah. walks like an ace. She takes the Indy 500 look like a golden chariot race. Like an ace now, she looks like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leads them all wild. Cause she drives like an ace now, she drives like an ace. She's having fun, fun, fun, till her daddy takes her teamer away. Fun, fun, fun. Stop counting, that's the day I'm back in time. The fruit looked for lemon she had. Give it to me, give it to me.